Tout de suite, sur France Culture, du lundi au vendredi, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Yvonne Abolivier. LSD passe à l'heure d'été. En canoë, en pédalo ou seul au boulot, en randonnée pour la plage, tranquille dans la ville ou perdu dans la foule, 53 minutes de nouvelles écoutes choisies dans la série documentaire. Cette semaine, Parcours de réfugiés, une série de Raphaël Kraft réalisée par Guillaume Baldi. Au départ de cette série, il y a des destins qui basculent et des vies devenues folles. Il y a des gens, comme tout le monde, que l'adversité a jetés sur la route et cette certitude que ces choses arriveront toujours. Et il faut s'imaginer débarquer seul, sans point de chute ni argent, dans un Paris gris, hostile et inconnu. Alors pour commencer, les personnages. Un poète, un chanteur, un romancier, un berger, des musiciens, un étudiant en architecture et un randonneur urbain, venu de Syrie, du Soudan, de Géorgie, du Tchad ou d'Afghanistan. Ensuite le décor, la France, en passant par la Libye et l'Italie, la peur du naufrage, une boutique porte de la chapelle, une longue journée d'hiver, des assassinats, du théâtre, la halle Pajol, des nuits dans la rue, les Tuileries, le centre Pompidou, un lever de soleil et la tour Eiffel. Aujourd'hui, deuxième épisode, on arrive à Paris. En fait, j'ai déjà composé une chanson à propos de Paris. Mais je n'ai pas encore couché les paroles sur du papier. Elles sont dans ma tête. Elles sont en pachto. C'est d'ailleurs un joli poème. Mais il faut que je m'exerce un peu avant de vous la chanter. Cette chanson, je l'ai écrite après avoir passé la nuit entière devant le musée d'Orsay. Tout le monde était parti, j'étais seul. Et je regardais couler la Seine, quelques personnes passaient. Il était 10 heures du matin et j'étais toujours là, assis à jouer de la musique et en regardant Paris. Et là, je me suis rendu compte que j'étais dans un pays à la terre généreuse. Je me suis rendu compte que Paris, et la France entière d'ailleurs, était un pays très généreux. Et je suis persuadé que le paysage, la terre, façonne le caractère des êtres humains qui l'habitent. Ils sont partie intégrante de la terre qu'ils habitent. La géographie les façonne. Et là, dans la rue, j'ai vu que l'asphalte était craquelé à un endroit. Et il en ressortait du vert, de la végétation. Je me suis dit « Waouh !» Vous voyez, dans mon pays, vous ne pouvez rien voir de vert, aucune végétation. Alors qu'ici, la moindre faille, il en ressort de la verdure. C'est cela que j'appelle de la générosité. Et c'est ici que j'ai trouvé un asile. Voilà, c'est de cela dont parle la chanson, mais je ne pourrais pas vous la chanter correctement là maintenant. Donc je ne veux pas la ruiner, je l'écrirai, on l'enregistrera un autre jour, mais ici seulement. Je ne voudrais pas la chanter ailleurs. Le Paris fragmenté des exilés, un documentaire de Raphaël Kraft et Guillaume Baldi. Écrit au mois d'août 2016, parce que le prix de la liberté peut coûter jusqu'à là. Je suis sans papier. Je suis le fils d'un sans papier. Je suis l'âme vivante des sans papiers qui ont péri dans le bleu et dans le désert. Je suis le nombre de balles tirées en Afrique. Je suis le nombre de réfugiés en Europe. Je suis la voix de toute une famille. Toi, moi, lui, l'autre. Je suis la voix sans papier qui parle pour traduire les mots et montrer le visage des exilés. Je suis la preuve vivante de toutes vos blessures, vos peines, vos pluies de balles, vos violences, vos tortures, vos crimes, vos larmes, vos mépris, vos pensées, vos souhaits et vos rêves. Je suis le résultat de la misère, du racisme, des violences, des crimes et de la terreur infligée aux autres. Je suis mille fois tout, sans papier. Je ne suis pas un danger je ne suis pas une menace pour les autres. Et vous, qui êtes-vous? Je m'appelle Mohamed Nourwana, je suis né au Soudan, grandi entre Libye et Tchad. Donc je ne suis pas seulement soudanais, je suis à l'origine soudanais parce que j'ai quitté le Soudan très jeune, à l'âge de 5 ans, ce qui fait que je parle français mieux que les autres réfugiés soudanais qui viennent et apprennent ici. J'ai été scolarisé au Tchad pendant 10 ans jusqu'en classe de 3e. Où on a été obligé de partir comme toujours. C'est devenu, je dirais même, une coutume chez nous, le fait de partir. J'ai connu ça très jeune, depuis l'âge de 5 ans. Et on s'est installé en Libye. Je suis resté 9 ans en Libye. C'était devenu comme mon pays. Et encore, ça a déclenché autre chose. J'ai été obligé de fuir cette fois-ci sans mes parents parce que j'étais déjà grand. Bon, j'avais déjà 24 ans. Et j'ai eu beaucoup de problèmes là-bas qui m'ont poussé à prendre la Méditerranée. Bon, c'est un risque. Tout le monde sait que quand on prend la mer, on risque de mourir, mais c'est une solution, la seule solution qui restait. Et du coup, je suis arrivé en France, comme ça, par l'Italie, et voilà qui je suis. Quand je suis arrivé dans le bateau qui m'a repêché dans la Méditerranée, j'ai été repêché par des Écossais. Et dans le bateau, nous, on était 135 dans un petit Zodiac tout blanc qui normalement devait prendre, je ne sais pas, 30 personnes ou trop. On était serrés, on a passé toute la nuit. Et ouais, le bateau s'était fracturé derrière. On avait de l'eau jusqu'aux chevilles, mais on n'a pas fait naufrage, nous, ça va. Et il y avait un groupe de jeunes filles de côté, une vingtaine, qui étaient enceintes. Et j'ai discuté avec un Africain de l'Ouest qui était francophone, qui parlait français, qui m'a dit que lui, quand il était en Libye, l'endroit où il était, c'était comme un campement de réfugiés où les jeunes femmes sont mises de côté, puis elles ont tout, elles mangent bien. Mais c'est comme un point de ravitaillement sexuellement. Il y a des milices libyennes qui viennent pour utiliser les jeunes filles pour leur satisfaction. Et j'avais vu ça quand j'étais en Libye. J'ai vécu 9 ans là, je connais tout de la Libye, tout ce qu'il y a de guerre, tout ce qu'il y a de conflits entre ethnies ou interquartiers ou interraciales. Tout ça, j'ai vécu. Alors, si votre objectif, c'est de vivre, Mohamed, vous avez bien un objectif à court terme, un objectif géographique du moins. Est-ce que vous, lorsque vous quittez la Libye, vous avez pour souhait, du fait de votre francophonie, de venir en France et peut-être plus précisément à Paris? Moi, avant de venir en France, c'est une décision que j'ai prise en un mois et je l'ai fait. Parce que j'ai une mère et que j'ai perdu mon père. Je n'imaginais pas qu'un jour, moi, j'allais me retrouver ici en France. Mais venir en France, pour moi, je me suis dit que après la Libye, s'il y a un pays où je peux m'exprimer, ça doit être en français. Parce que je suis arabophone, oui, à l'origine, oui, mais francophone aussi. Et si je dois quitter la Libye pour venir en Europe, j'aurais bien pu rester en Italie ou en Allemagne, où beaucoup de mes amis ont choisi partir parce qu'ils ne comprenaient pas ni français ni anglais. Mais moi, par exemple, je parle français. Et je l'écris, j'ai écrit beaucoup de choses aussi. Je suis en train d'écrire un roman qui n'est pas encore fini. Et je me suis dit, si personne ne parle de certaines choses, si je m'installe en France, je pourrais faire des choses. La francophonie, c'est tout ce qui me reste aujourd'hui de ma vie, de tout ce que j'ai vécu. Et j'ai décidé de venir. Il y a une boutique somalienne ici, à côté. Ouais, c'est ouvert. Somal Shop. Bonjour. la boutique somalie. D'accord, ok. Ouais. Vous êtes somalien vous-même ? Oui, somalien. Bienvenue. Donc ici, c'est le point de rencontre, c'est 8 mètres carrés de la communauté somalienne. Voilà. Vous vendez quoi ? Nous, on vend les cartes téléphoniques, téléphonie. Les gens, quand ils arrivent, c'est là où ils viennent, en fait. Somalistek, en fait. C'est un mot somalien, mais... Alors, Somal debout, en fait. C'est comme il n'y a pas les gens un endroit pour assis, donc il vient ici devant nous pour assis comme ça. Donc, c'est-à-dire que sur ce trottoir, c'est un territoire somalien. Voilà, un territoire somalien pour qu'ils se rencontrent, en fait. Quand il vient, il demande les gens qu'ils ne connaissent pas, il demande la chapelle. Quand il vient à la chapelle, donc il demande Somalistek, ça veut dire Somal debout, en fait. D'accord. Et le plus important pour un Somalien qui arrive ici à la chapelle, c'est de se procurer une carte téléphonique, j'imagine. Voilà, c'est ça. Ouais. Un téléphone ou bien une téléphonie. Vous, Ibrahim, pareil, première démarche lorsque vous avez arrivé en France, c'est un téléphone. En fait, c'était ici, en fait. C'était ici qu'il est. Ouais. Je suis venu avec mon valise et ils m'ont dit « venez entrer ». Laissez votre valise ici, vous avez mangé. Et ils m'ont proposé de boire du thé. Si après ils m'ont trouvé quelqu'un pour qui après que je puisse habiter avec. Et c'était ici en fait l'endroit. Exact. Est-ce que après 8 ans à Paris, est-ce que vous vous sentez parisien aujourd'hui ? Moi oui. Moi, déjà, je suis en Somalie, j'étais supporter de l'équipe de France. Ah bon ? Oui. Pour quelle raison ? Bah, le foot, 98. Ah, c'est 98 ? Voilà, moi, j'étais jeune, j'ai regardé le foot. Donc, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à supporter l'équipe de France. Donc, quand je suis arrivé, quand même, j'ai suivi tout le temps. Là, ce soir, il y a un match. Mais c'est pas un match important. Le match est important, on a perdu. Donc contre la Suède. Voilà. Donc, ah oui, vous dites on l'a perdu parce que vous êtes. Vous vous sentez. Oui, voilà. Ouais. Donc je me sens parisien, français. Mais je ne suis pas encore en nationalité française, mais déjà je suis. Qu'est-ce que c'est être parisien ? Il y a beaucoup de caractères. Moi, mon caractère, c'est quand on. Paris berge, je me sens mal, en fait. Voilà. Paris, quand en Marseille, je suis à fond. Je dois regarder. Être parisien, c'est être supporter, être habité là où. Donc, c'est pour ça, moi, je suis supporter de Parisien, équipe de France aussi. Je suis pas là, alors comme eux, mais. Voilà. Ça va venir ? Peut-être. Mes enfants, j'ai un enfant maintenant qui est né janvier. Peut-être lui, il va se sentir plus parisien que moi, en fait. Comme qu'il est né ici en France. Bonjour, je m'appelle Ibrahim, j'ai 25 ans, et je suis somalien. Je suis arrivé en France en 2013, février. C'était un jour l'hiver et je me souviens d'ailleurs quand le jour que j'ai quitté l'aéroport, il y avait une dame, elle m'a vu avec une sandale et m'avait dit vous n'êtes pas en Somalie, vous êtes en France, c'est l'hiver, il faut changer. Ouais. Pourquoi et comment avez-vous quitté votre pays ? J'ai quitté mon pays à cause des problèmes que j'ai eus. Soit à la fois problème de tribu et en même temps le problème de terrorisme à Shabab. J'avais 20 ans, où j'habitais ma région, il y avait des tribus qui sont venues, tribus des Kenyans et Éthiopie et tout ça. Et à Shabab, ils cherchaient des gens pour combattre. Et après ça, j'ai eu un problème de tribu et. On avait du bien, mon père, et l'autre tribu voulait prendre notre bien en force. Donc ils ont tué mon père et mes frères. Et du coup, c'est moi qui ai resté. C'était la raison qui m'a fait sortir, en fait. Et il n'y avait pas un autre choix. Il fallait quitter, sinon ils vont me tuer. Ouais. Et c'est pour ça que je suis parti au Kenya. Et votre mère est restée? Elle a resté, mais elle a quitté la ville. Elle est allée au Mogadiscio. D'accord. J'ai quitté Nairobi et j'ai fait un transit à l'île Maurice. Et mon destination, c'était à Londres, parce que je ne connais pas en fait la France. Je suis arrivé à Maurice, puis je suis parti pour aller à Londres. J'avais aussi un transit à Paris. Et là, il y a eu un contrôle et ils m'ont arrêté. Donc ils m'ont dit, c'était un faux papier, vous pouvez pas prendre l'avion. Et j'ai dit, ok. J'avais pas le choix et je savais pas quoi faire. Il y avait cette idée dans ma tête, est-ce que ça va être pareil? Est-ce que vous allez trouver la sécurité que vous cherchez? Vous connaissiez l'existence de la France, l'existence de Paris, avant de vous y retrouver contraint? J'attendais la France, mais je ne connais pas en fait. Et j'ai accepté. Et du coup, quand je suis arrivé à la chapelle, j'ai vu les gens. Je me suis dit, c'est pas grave, il y a tout le monde ici. Donc, je dis, c'est pas grave. J'ai pensé aussi d'aller, quand j'ai quitté l'aéroport, j'ai pensé de continuer mon voyage. Et la communauté somalienne m'a conseillé que c'est pas la peine d'aller. Parce que vous allez trouver la même chose. Ici, il y a la sécurité, l'essentiel. Et c'est mieux de rester. C'est dur parce que c'est faut apprendre la langue, il faut s'intégrer très, très vite. Mais j'ai pris une décision de rester. Et j'ai resté. Le premier endroit où je suis venu, c'était la chapelle. Et parce que j'ai vu des gens de différentes nationalités qui se trouvent ici. Et je me suis dit, je ne suis pas seul ici en fait. C'est pour ça que j'aime cet endroit. Je suis très attaché ici. Vous dites, il y a tout le monde. C'est-à-dire toutes les personnes qui étaient dans votre situation à l'époque. Ouais. Tu trouves des gens dans la même situation que moi. Et souvent, chez nous, on dit. Pour être un peu confortable, il faut regarder les gens de même situation que vous. Et, c'est une expression somalienne? Ouais. Comment on l'a dit? Mrul bahal ega dadka kulamida oo ka aglo qalbigaaga qancinayaan marka mrul dadka sala fiirsada. Mettez-toi en place. J'ai juste la deuxième. Oui, juste ça. En fait, désagréable. Ok. Il essaie de faire semblant que je suis très gentil, mais au fond, je t'emmerde. Okay. Répétition au théâtre du Petit Saint-Martin de la pièce Change ta vie, désolé, écrite monsieur. Par les élèves de l'école Pierre Claver et mise en scène par Sophie Gubry. Recommencer à zéro. Nouvelle naissance. Nouvelle vie. Nouveau langage. Mon esprit est troublé. J'ignore où je suis, qui je suis et ce que je fais. Je ne peux pas renoncer à ce que je suis, en fait ce que j'étais. Je ne peux pas effacer mon histoire, mon vécu, ma famille. Et je sais quand même que je dois reprendre à zéro. Laissez-moi juste arriver, juste savourer et profiter de ce beau pays. Je suis dans un nouveau pays, nouvelle coutume, nouveau langage. Je parle français maintenant. Bon, je dois recommencer à zéro. J'ai appris ce zéro Je le connais très bien. Je l'ai apprivoisé. Recommencer à zéro. Renaître. Reconnaître. Reprendre. Remettre. Réapprendre. Renouer. On ne peut pas vaincre sa destinée. Mais voilà, je deviens un autre. Qui j'aurais pu être là-bas? Qui je suis aujourd'hui? Qui je deviens? Recommencer à zéro. Le zéro, un beau ballon pour voyager dans le monde et découvrir les merveilles qu'il recèle. Donc vous traversez la Méditerranée, votre bateau est sur le point de couler, vous êtes sauvé par un navire écossais, vous arrivez en Italie, et là, vous entendez non pas tant parler de Paris que de La Chapelle, c'est ça? Quand on arrive en Italie, il y a toujours des groupes ou des personnes qui informent d'autres personnes comment aller rejoindre un campement de réfugiés en Allemagne ou en Suède ou en France. Et comme je voulais venir en France, ils m'ont dit que tu vas arriver jusqu'à Gare de Lyon, tu sortiras de telle position, il y a un bus, numéroté bus 65, c'est écrit Porte de la Chapelle. Tout ça, c'était comme si j'avais lu dans un livre. Et quand je suis arrivé Paris Gare de Lyon, j'avais eu du mal à trouver l'extérieur. J'ai réussi quand même à sortir. J'étais avec trois personnes qui ne parlaient pas français. Et j'ai demandé à une dame où on prend le bus. Elle m'a indiqué. Je voyais le vide, bus, je ne sais pas, 21, 82. Mais on a attendu le 65. Quand j'ai vu le bus 65, c'est comme si le bus me parlait. Et aussitôt, on s'est précipité, on est monté. Et on sait qu'il ne faut pas parler au conducteur et ne rien dire et s'installer tranquillement derrière jusqu'à ce que vous arrivez à Porte de la Chapelle. Et c'est comme ça qu'on est monté. On est arrivé jusqu'à, après plusieurs arrêts, j'essaie de voir l'extérieur. Est-ce que c'est écrit Porte de la Chapelle ou pas? Non. J'ai fini par croire d'abord qu'on s'était perdu, mais au bout d'un moment, on est arrivé Porte de la Chapelle et on est descendu. Alors, quand je suis arrivé à la chapelle, c'était vraiment... Il n'y avait personne. C'était bizarre. Je voyais quelques Africains qui passaient. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Il était déjà minuit passé. On s'est promené un peu vers Max Dornoy. Du coup, j'étais avec un ami qui a croisé un Marocain qui a dit, non, il y a un campement de réfugiés, mais il faut descendre encore vers la gauche, un peu plus bas. On est descendu. Et là, je croise mon ami, l'Afghan, qui était en train de se promener. Je lui ai dit, mais tu fais quoi? Il a dit, ah, vous êtes arrivé? Je lui ai dit, oui. Il a dit, ok, je vous amène chez moi. J'étais content, j'allais pouvoir me doucher, manger, on avait faim. Et là, on descend vers l'Alpajol, je vois plusieurs personnes. On était, je pense, 700 personnes qui étaient tous debout, il y avait des tentes. Je lui ai dit, mais c'est quoi cet endroit? Il m'a dit, c'est un campement de réfugiés. J'ai dit, ok. Et là, il avait trois cartons, il a dit, installez-vous, bienvenue chez moi. Je lui ai dit quoi? Il a dit, voilà, je vis ici depuis plus d'une semaine. Je lui ai dit, mais comment ça? Il a dit, la France, c'est pas la France que tu vois à la télé ou que tu entends là-bas en Italie. Ici, les Français sont plus mauvais que les autres pays européens. Il n'y a pas une prise en charge, personne ne vient te voir. Tu vas te trouver un pain, tu le manges. Et demain, tu vas rester toute la journée affamé jusqu'à 18h. S'il y a une association qui vient distribuer à manger, dans ce cas, tu trouveras à manger. S'il n'y en a pas, soit tu vas manger à certaines personnes ici, soit tu vas attendre. Et c'est ce qu'on a vécu pendant plus de 20 jours. On était là. Il y a des associations qui viennent souvent avec deux petites voitures, avec des repas de 200 personnes alors qu'on était 700. C'était pas suffisant. Il y avait la bagarre. Bon, personne ne va rester affamé. Et il y a même ceux qui prenaient 4 508 qui s'enfuient avec pour... les garder et manger plus tard. Il y a d'autres qui restent toute la journée affamés et d'autres qui trouvent quand même de quoi manger. C'était vraiment difficile avant l'évacuation. Quand je suis arrivé, je me suis rendu compte que je n'étais plus rien qu'une simple poubelle. Une ordure qui venait en fait souiller un peu la ville. Il y a même, je me rappelle très bien, il y avait une dame qui était venue nous insulter. Beaucoup ne comprenaient pas ce qu'elle disait. Elle nous disait bande d'ordures, de saleté ou des choses vraiment choquantes. Et j'ai fini par dire que, ouais, elle a raison aussi. je ne sais pas ce que c'est que ma vie, c'est quoi le sens de ma vie, moi, actuellement. Et ça a été totalement à l'envers de ce que je pensais. Être à Paris et être plus proche d'une poubelle que d'une maison, c'est vraiment choquant. Et quand est-ce que vous commencez à découvrir la ville? On commence à découvrir la ville, c'est après l'évacuation. C'est quand il faut aller faire des démarches administratives et qu'on nous donne des adresses, qu'on commence à voir c'est quoi tel métro, la ligne 11, la ligne 2, comment valider son ticket, tout ça, je ne connaissais pas avant. C'est à ce moment-là. On ne peut pas entrer dans une ville comme ça, étant réfugié en même temps touriste. Non, ça, on ne le fait jamais. On essaie de trouver quoi manger ou un endroit pour se doucher ou se reposer d'abord, premièrement. Quand on est tout seul, affamé, on se déteste soi-même. On pue, on a faim, on a soif. On n'aurait pas le goût de regarder la beauté d'une ville ou l'envie de se promener aussi. Ouais. L'arrivée de réfugiés. Actuellement, c'est beaucoup, ils sont beaucoup plus motivés pour rejeter beaucoup plus que d'accepter. Parce que le fait d'accepter, ça va devenir beaucoup et la prise en charge va être difficile. Mais sauf que tout le monde va trouver sa place. Jardin Villemain, Paris 10e, avec Rahman, venu d'Afghanistan. Oui, enchanté déjà. Oui, je suis arrivé ici le premier jour que je suis venu. J'ai trouvé un ami que je le croisais sur le chemin, à Patras, en grec. Et je le croisais la première nuit, c'était vers 20h, je crois. En 2008, je ne sais pas, c'était quel jour exactement. C'était au mois d'août, en au été. Mois d'août, en été. Et après, il m'a montré là-bas, il m'a donné un sac de couchage pour passer la nuit. Ici, dans le parc, avec lui, il y avait d'autres personnes aussi. Et on a passé la nuit dans le parc. Et après, demain matin, on s'est réveillé, on est allé dans un... On est allé dans un salon de thé qui s'appelle Jean Michel. Salon de thé Jean Michel, ce qu'on connaissait comme ça, le nom. À partir de quel endroit, lors de votre voyage d'Afghanistan jusqu'en France, vous avez entendu parler du Jardin Villemain? Et d'ailleurs, les Afghans ne l'appellent pas Jardin Villemain, ils l'appellent comment? Parc Gardelès. Parc Gardelès. C'est en Grèce que vous avez appris l'existence du parc Gare de l'Est. Oui, et du parc Gare de l'Est parce qu'il y a des gens qui étaient redéportés en Grèce. Que moi, j'ai posé les questions. Parc Gare de l'Est, il s'appelle l'endroit que les Afghans ils vont souvent là-bas, qu'ils rassemblent. Mm-hmm. C'est le parc Gare de l'Est. D'accord. Voilà. Quand j'étais un berger en Afghanistan, et je ne connaissais pas même l'Europe, même la France. Mais j'ai entendu déjà le mot Paris. On m'a raconté que Paris, c'est une ville de rêve, une ville amoureuse, une ville très bien. Et j'ai juste entendu ça. Alors, où est-ce que vous l'avez passé cette première nuit? Je crois que c'était ici, juste là. On va vous suivre. C'était juste là, en fait. On s'est mis juste ici. On a passé la nuit ici. Tout d'un coup... Il y a eu l'arrosage automatique qui a commencé d'arroser les herbes. On était juste là. Juste en face du jardin d'enfants. Oui, juste en face du jardin d'enfants. Il y avait déjà le bateau pirate? Le bateau pirate, il existait, oui. Parce que j'ai vu des gens qui étaient en dessous déjà, qui étaient dans le sac de couchage. Il y avait plein de gens ici. Ils dormaient dedans, en dessous. Quand on est berger dans un village de montagne en Afghanistan, Quelle image on a du monde? Quelle image on a de Paris, de la France, de l'Europe? En fait, ça dépend de cas. Dans mon cas, à l'époque des talibans, en fait, jusqu'à 15 ans, je n'avais jamais eu la télé. Et moi, je dis pour moi, le monde, presque ça n'existait pas. Pour moi, ça n'existait pas. Moi, je ne dis pas pour tout le monde, pour moi, en tant qu'un berger, parce que je n'ai jamais pensé à autre chose. Je n'ai jamais entendu. Je n'ai jamais vu la télé. Et c'était... Mon monde, c'était un peu différent. Et votre monde, c'était les montagnes, ouais, les chèvres. Les montagnes, ouais. Voilà, ma flûte. Ah, vous jouez de la flûte? Oui, je joue de la flûte. Ah, il va falloir que vous en jouiez pour nous, alors. Oui, bien sûr, pourquoi pas. Chez Jean-Michel pour suivre la conversation? Oui, pourquoi pas? C'est par où? C'est ce côté-là, je crois. C'est vous qui nous guidez, hein, Carabert, parce que le square Montolon, moi, je ne le connais pas. Hein. Oh, d'accord, hein, d'accord. C'est le square Montolon dans les 9e arrondissement. Vous venez d'où, Carabert? De la Géorgie. Ouais. Donc, vous êtes arrivé quand? Je suis arrivé au mois de janvier, en 2011. Il ne faisait pas trop froid, mais il ne faisait pas trop beau non plus. Je suis arrivé par les trains à Thalys, à la gare du Nord. Donc mon lieu, c'est le premier où je suis arrivé, c'était la gare du Nord. Je me rappelle très bien, c'était à 15h, 15h après-midi, sans aucun doute. Et vous êtes allé dormir à l'hôtel à côté de la rue Pajol? Oui, c'est exactement ça. J'avais l'hôtel à la rue Pajol, c'est juste à côté de métro Chapelle, à Chapelle. Voilà. J'ai passé 3-4 nuits là-bas. Et puis, j'imagine que faute d'argent, vous devez quitter l'hôtel? Bien sûr. Donc j'ai quitté l'hôtel et je me suis retrouvé dans une situation France-Terre d'asile où ils m'ont expliqué que pour avoir les logements, il fallait attendre 6 ou 9 mois. Bon. D'accord, ça commence très mal parce qu'attendre 6 mois, voilà. Donc dans ces cas-là, juste par hasard, je me trouve juste à côté de moi, un Géorgien qui essaye de lire quelque chose et... Je les salue juste simplement en disant comment ça va, comment ça se passe. C'est troisième ou quatrième jour, deuxième jour à Paris. Après, il m'a proposé, après j'ai revu après deux, trois jours, il m'a proposé d'être hébergé chez lui. Je faisais parce qu'il était avec son ami aussi. Donc, j'ai resté pendant un mois chez eux. C'était où? C'était les quartiers que j'aime aussi. C'est les quartiers Pigalle. Côté Montmartre, que j'aime ce quartier. Et pourquoi un mois? Pourquoi pas plus longtemps? Pourquoi pas 6 à 9 mois? Le temps de trouver un logement? Ah bah, en fait, moi, j'ai réalisé très vite les choses que, voilà, c'est bien, mais il faut que je trouve moi-même la solution. Je vais essayer de quitter. Je remercie gentiment tout le monde. Je pouvais pas, ça touchait trop ma dignité. Juste rester pour faire rien chez quelqu'un. Donc moi j'ai laissé, je les ai remerciés gentiment, je leur ai dit que voilà, j'avais trouvé quelque chose. Donc c'est une image assez violente parce que je suis sorti devant la boulangerie, juste au métro Pigalle. Donc, je me rappelle ce sentiment d'être tout seul dans une ville qui compte plus de 2 millions d'habitants. J'avais ce sentiment assez fort. Ça se passe après la nuit, parce que vers minuit. Moi, ce qui m'a sauvé la plus dans cette situation, il n'y a pas de place pour dormir. Mais il y avait beaucoup de place pour visiter le Paris. Donc, juste j'ai marché dans tous les sens, sans adresse. Je ne savais pas où aller, mais en tout cas, j'ai marché. Donc, j'ai visité comme ça. Je descendais, j'ai remonté, et voilà, pour tuer le temps. En espérant le lendemain, il y aura les choses mieux. Mais après, les choses. Je n'ai pas dormi du tout. Parce que je n'arrivais pas. Je n'ai pas dormi du tout. Parce que je n'arrivais pas à la nouvelle réalité. Dans la rue, c'était, ça heurtait ma sensibilité, ma dignité. Comment tu vas dormir comme ça? Donc, ce que je faisais quand je me fatiguais trop, j'allais dans les jardins de Tuileries, que j'aimais trop, ou dans les jardins de Luxembourg. Je m'allongeais dans la journée pour me reposer un peu. Dans les centres, Georges Pompidou, beaucoup de temps là-bas aussi. D'abord, je lisais français. Et la deuxième chose, c'est que c'était ce sentiment d'être sécurisé, ça me plaisait en fait. Dans les centres de Georges Pompidou. Il y a bien un moment où il a fallu se résigner et dormir la nuit. C'était les choses que je n'acceptais pas. J'étais épuisé physiquement. Le corps a besoin de se reposer, donc tu ne peux pas résister trop non plus. Ce qui me gênait le plus, le regard des autres. Je n'arrivais pas à dormir. Je ne voulais pas, aucune personne me voit dormir comme ça dans les parcs. Je ne voulais pas, c'est pourquoi je faisais ça à 1h du mat et je me levais à 6h pour que personne ne me voit. Il y a toujours les barrières entre toi et la société qui étaient en face de moi. Donc, je n'osais pas les rapports directs avec eux. Barrière, beaucoup. Parce que tu n'as pas d'amis. Tu ne parles pas français. Tu n'as pas les boulots. Tu n'as pas réseau. Tu n'as rien. Et ce qui est le plus important, que tout ça se passe et tu n'as aucun rôle dans cette société. Moi, j'ai un rapport plutôt avec cette ambiance, avec cet arrondissement. Cette atmosphère que j'ai trouvée typiquement parisienne. Je ne sais pas, j'adorais le soleil qui se levait sur la rue, Lafayette juste en face. J'adorais ça. Quand vous regardez vers la gare de l'Est, quand il y a le soleil se lève, c'est juste simplement magnifique sur la rue Lafayette. Moi, j'ai adoré, j'ai observé les choses comme ça. Et moi, j'ai adoré, j'étais tellement passionné. J'oubliais ma situation réelle qui était assez dramatique quand même. Donc, voilà. Donc là, on est rue des Récollets. Oui. C'est vrai? Ouais, bah ouais. Alors ce qu'il y a, c'est que c'est le bordel, mais tant pis. Je vous en prie. Où est-ce qu'on se trouve? C'est Jean-Michel. Ah, comment ça s'appelle ici? Oui. Ça s'appelle le CAMRES. C'est une association qui a été créée en 92 par un ancien batteur du groupe Trust pour accueillir tous les gens qui voudraient en errance dans ce quartier. Voilà. Rahman, pour lui, cet endroit s'appelle... La maison de thé de Jean-Michel, c'est ça. Exact. Jean-Michel, c'est une histoire spéciale parce qu'il parlait quelques mots en dari. En dari, en langue afghane. Qu'il parlait comme ça, qu'à chaque fois qu'on a des papiers, qu'on a des problèmes, on est venu directement sur Jean-Michel, qui nous explique qu'est-ce que c'est le papier. La présence, c'était comme ça que le salon de thé de Jean-Michel... C'est très connu pour les Afghans. Donc vous arrivez le lendemain chez Jean-Michel, vous trouvez un endroit où vous êtes en sécurité, où vous trouvez de la chaleur. Qu'est-ce que vous faites ensuite? En fait, oui, j'ai trouvé c'était sympa, ce Jean-Michel. C'était une chaleur de vraiment d'humanité, une chaleur de rassembler tout le monde, une chaleur d'accueillir. Oui, c'était vraiment différent. En fait, j'ai vécu dans le chemin clandestin assez de violence. Même les policiers, souvent, ils nous ont dit qu'il ne faut pas dormir ici, il ne faut pas rester là, qu'il a même mis le gaz lacrymogène sur le sac de couchage, que ça brûle vraiment, que ça me brûlait les yeux plusieurs fois. C'était rien pour moi, c'était rien. Je le trouvais tout à fait normal. Je dis voilà, il y a des policiers qui viennent en civil, qui te frappent n'importe comment. Où ça, en Grèce? En Grèce. Et c'était en Turquie la même chose. En Iran, c'était le plus pire. C'était, voilà. Et donc, comment vous avez pu informer vos parents, vos proches que vous étiez arrivé? Je crois qu'au bout de 8 mois, j'ai appelé une personne. Après, j'ai appelé à mon oncle que voilà, je suis dans un pays qui s'appelle France. Je suis arrivé en France. Et la seule chose que je dis. On ne met pas les chaises en place avant la fin de ça, d'accord? Je suis un arbre sans racine. De plus loin qu'ils m'en souviennent, quand j'étais en Iran, j'étais un Afghani. On va refaire une fois. Évidemment que quand tu fais ça, vous ne regardez pas. Hein. Je suis un arbre sans racine. De plus loin qu'ils me souviennent, quand j'étais en Iran, j'étais un Afghani. Et quand je suis retourné en Afghanistan, j'étais un Tadjik et parfois un Iranigak. Jamais comme tout le monde. Quand je suis arrivé en France, j'étais un Japonais. Non, c'est pas vrai. Toujours comme un étranger, même dans mon propre pays. Donc, je n'appartiens à aucune terre. J'ai la même destinée que dans le poème de Qambarali Tavesh. Odami parandeniz, kebar karan par kachat, baroyou, watan shavat. L'homme n'est pas un oiseau qui vole librement en prenant les cieux pour patrie. L'homme a un avenir de feuilles d'arbre. Quand elle se détache de sa branche, elle se fait écraser par des passants. Mon nom c'est Mushtaba. Mon familier name c'est Ahmadi. Je viens d'Afghanistan. Je suis en France maintenant. Moi, je suis né en 1992, du mai. Moi, ça fait un an que j'habite en France. Un an plus, un an. J'habite en France. Moi, maintenant, je suis accepté en France, heureusement. Ouais. Pourquoi Paris? Parce que avant de venir, moi, j'aimais en France, Paris. Quand j'étais petit, toujours, je regardais les photos de Tour Eiffel. Tour Eiffel, voilà. De Tour Eiffel. Et moi aussi, quand j'étais petit, moi, قدم بلند بود یک ایرانی دوستم بود و غیر بر من میگفت برج ایفل ما رو به برج ایفل تشبیه میداد quand j'étais petit j'étais de grande taille et j'avais un ami iranien qui me surnommait Tour Eiffel parce que j'étais grand pour mon âge. C'est ainsi que j'ai appris l'existence de Paris et de la France, parce que je me suis demandé ce que pouvait bien être cette Tour Eiffel. Et je me suis rendu compte que ce surnom était finalement un compliment. C'est comme ça que je suis tombé amoureux de la France et de Paris. quand j'étais petit, j'aimais trop Tour Eiffel. Oui, quand je suis arrivé en France, après de plein de pays, j'ai passé plein de pays pour venir en France. Et donc, quand vous êtes arrivé à Paris, qu'est-ce que vous avez fait? J'ai demandé à un ami qu'on habitait ensemble avant, que est-ce que c'est possible aujourd'hui, on va à Tour Eiffel? C'est loin, c'est quoi? Avant, j'étais à Le Bourget. Je pensais que c'est trop loin, Tour Eiffel, avec le métro. Quand pour la première fois, j'ai pris le métro, pour moi, c'était bizarre. J'étais complètement perdu pour 6 mois dans la rue. Oui, j'étais complètement perdu pour 6 mois dans la rue. Et finalement, vous avez vu la Tour Eiffel? Oui, plein de fois. Oui, c'était une soirée, on a passé. Peut-être 3 mois après, derrière, j'étais avec des amis, on a joué la musique à côté de Tour Eiffel. La lune était juste au-dessus de sa pointe et c'était magnifique. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé ce que signifiait Paris la nuit. Nous jouions de la musique dans l'herbe, sur le champ de Mars. La lune était pleine et alors la Tour Eiffel s'est mise à scintiller. Ce fut un moment inoubliable et incomparable. Et moi j'adore à Paris. Ma police a choisi d'ostom. A mes chers amis, vous d'accord, la police bon mon nom. Quelle chose l'astom que kabulimam graftom dans la police monde ma kula chizem dans mes chimons. Aujourd'hui, je suis à Paris, je vis à l'hôtel et j'ignore où je vivrai demain, mais je ne pense pas à ça. Ça m'est égal, parce que je suis à Paris. Et tout ce qui peut être qualifié de parisien, je l'aime. Et dans le métro, je vois tant de couleurs, tant de personnes différentes, tant de langues différentes. J'aime ces mélanges. Safed, Sor Gandumi, Boronza, Arrang, Mardoma, Mini Barma Joloba, la police. Pour la majorité des réfugiés qui arrivent à Paris, c'est très difficile. Ils dorment dehors, parfois on leur interdit de manger, ils se font battre par la police de temps en temps. Comment ça s'est passé pour vous? Je vais te dire une chose, Raphaël. Quand je suis arrivé en France, j'ai oublié tout de ma vie d'avant, quand j'étais en Afghanistan. J'ai tout laissé derrière moi. Quand j'ai pris la décision de quitter l'Afghanistan, avec toutes ses conséquences et tout ce que ça allait impliquer, avec la mort au devant de moi, je savais qu'il allait me falloir être patient. Je savais qu'il y avait de fortes chances pour que je perde la vie. Quand j'ai quitté mon pays, j'ai juste emporté un baluchon. C'est tout ce que je possédais. J'ai commencé à marcher à travers l'Iran, et en Iran, j'ai été battu très violemment par la police. J'ai été emprisonné. J'ai vu des corps morts dans la neige, dans la montagne, entre l'Iran et la Turquie. Dans ces montagnes, j'étais avec une famille qui avait un bébé. Je l'ai pris à l'intérieur de mon manteau pour le protéger du froid qui tuait les gens autour de moi. Cet enfant, comme nous tous, il n'a pas mangé pendant 3 jours. Les passeurs étaient vraiment cruels. Et quand nous sommes arrivés à Istanbul en bus, il y avait un restaurant. Et nous, les Afghans, nous nous sommes rués dessus comme des affamés. Et les gens nous ont regardés comme si nous étions des animaux, ce que nous étions devenus. Tu veux dire que les difficultés à Paris ne sont rien comparées à celles que tu as vécues sur la route? Nothing? Non. Ce n'est pas comparable. Les problèmes que nous avons eus pendant le voyage étaient de vrais problèmes. Et nous avons vu la mort. Nous l'avons vu de face. Tous les réfugiés traversent l'enfer. Mais le plus important, c'est d'avoir un but et de marcher dans cette direction. Il faut apprendre le français. Oui, c'est très important. Première, il faut apprendre le français. Alors, elle est prête enfin, cette chanson sur Paris? Oui, oui, yes, oui. C'était « Le Paris fragmenté des exilés », coordination Perrine Kervran, attachée d'émission Marie-Vonne Abolivier, mixage Pascal Bénard. Au Paris, il y en a, خیلی سه دمینه خارا خیلی سه Paris jana khair yuse damine khara khair yuse umar me ter sho musafiro au gambado ke garzam pa sahra da ghurbat ke Remerciements à Yam Sureau, directrice de l'école Pierre Claver, à ses élèves et anciens élèves pour leurs témoignages. Musique originale, Voix étouffées, Orient-Occident. Un documentaire pour LSD de Raphaël Kraft et Guillaume Baldi. Damine khara khair yuse O Paris janan khair yuse Thank you. LSD, la série documentaire à l'heure d'été, c'est fini pour aujourd'hui. Bibliographie, lien replay et podcast avant d'aider les sauveteurs, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr et sur l'application Radio France. Et les pages, c'est Marivonne Abolivier, Mathias Meji et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter et sur Instagram. N'hésitez pas à nous laisser des messages. Demain, troisième épisode, l'accueil au village, l'exemple de Saint-Étienne de Baïgorry. Mais tout de suite, on retrouve Nicolas Martin pour son été en Antarctique. Jeudi 13 décembre, sur la station du Mont d'Urville, la sécurité est essentielle. Si en cette période estivale, l'Antarctique n'apparaît pas très menaçant, il faut imaginer ce que cela peut être en hiver, dans la nuit polaire, lorsque la température chute et qu'il n'y a quasiment plus de lumière. Si aujourd'hui le périmètre sur lequel nous pouvons évoluer est assez clair, la banquise a fondu, il ne reste que quelques rares zones embâclées, les transitions entre les redoux et les coups de froid rendent la marche sur la glace de mer particulièrement dangereuse. C'est l'un des rôles du chef de district, définir des périmètres de sécurité sur lesquels les hivernants peuvent évoluer sans danger et sur lesquels les véhicules vont pouvoir rouler une fois que la banquise sera suffisamment solidifiée. Je pars pour une session de formation pratique du nouveau chef, le dista de la TA69, Alain Kivoron, cornaqué par celle qui arrive au bout de son séjour, Hélène Larmet. Bien couvert, harnaché, avec un lourd traîneau qui permet de porter le matériel, nous allons forer la banquise. On est toujours sur Pétrel. Le hangar bleu, tu te souviens, le truc avec tous les engins, là ? Oui. Le hangar fusée, qui sert surtout à stocker du matériel, mais qui a cette formidable histoire. C'est quoi cette histoire, Hélène ? Froide. C'était un partenariat avec l'Union soviétique en plein milieu de la guerre froide. Et il y a eu des lancements de fusées donc, en direction de la ionosphère pour aller voir un petit peu des choses dans la ionosphère. Et donc ces opérations-là, elles se sont déroulées à Dumont-d'Urville et à Kerguelen. Et donc il y avait une rampe de lancement, il y a une photo qui est vraiment rigolote, t'as l'impression d'être à Cayenne, à Kourou, où tu vois une fusée décoller d'ici, c'est énorme. J'entends que le téléphone bip, ce qui veut dire qu'il n'y a plus de réseau, j'appelle Cédric. La radio ou la radio, Dalin ? La radio, j'écoute. Oui, Dalin, donc avec Hélène et Nicolas, on va faire des sondages glace, on est actuellement au pré. On va aller vers le Marionneau et puis on va circuler un petit peu entre les îles. Ok, bien pris. Toute cette zone où tu vois qu'il y a des mouvements, ouais, qui vont créer des fissures par endroit et à l'inverse des petites montagnes de neige à d'autres. Ouais. En fonction des conditions, tu pourras même avoir des rivières qui se forment. Donc ça, c'est lié directement au mouvement de marée, au mouvement de houle qui vont venir pousser tout ça. Du coup, tu vas avoir, au moment de la formation de ta glace en début d'hiver, des zones de glace mince qui peuvent se reconnaître éventuellement un peu à la couleur, mais c'est pas un indicateur qui est fiable à 100%. Donc prudence absolue à la bord des îles, bord d'île danger. Mais c'est vrai que ça peut être profond, hein, la fissure. Là, on voit déjà, il y a près d'un mètre. Là. Tu as ce petit bouton-là qui va venir te faire choisir si tu veux faire des trous, par défaut il est là-dessus, ouais, ou si tu veux utiliser en perco qui... Oui, mode béton. Ouais. Donc tu te mets bien sûr cette position-là. Ouais. Il y a ce petit bouton sur le côté qui va te dire dans quel sens tu vas aller ta mèche. Ouais. Donc toi tu veux qu'elle aille vers le bas, donc tu la pousses comme ça. Et c'est parti. Donc comme tu disais, l'intérêt c'est non seulement d'avoir l'épaisseur de la glace, mais également effectivement de regarder ce qui en sort et de voir quelle est sa consistance, et si elle est dure, si elle est mouillée. Donc là elle est vraiment sèche et homogène, c'est pas de la glace mais c'est de la neige sèche. Ouais. T'as une mèche de 1 mètre et une mèche de 50 cm, donc là tu sais que t'as effectivement plus de 150 de neige sèche. On a pas besoin d'aller au-delà. Non. 1 m50, ça supporte les engins, ça supporte tout là. Complètement. Demain, les nouveaux héros polaires arrivent à Dumont-d'Urville. C'est le retour de l'équipe du RAID qui traverse l'Antarctique par voie terrestre.